ça a l'air, parce que j'ai écrit deux choses sur la Grèce. Sur la Russie, ça allait aussi, parce que comme j'ai beaucoup travaillé sur la Pologne et les Pays-Baltes, c'était pas loin. Quand on m'a demandé quoi d'autre, sur Vienne, comme je baragouine un peu l'allemand et que je connais Vienne, ça allait encore. Et sur les Pays-Baltes, j'ai eu la bêtise de dire oui, parce que bon, sur la Lituanie, ça va, on ne doit pas être beaucoup de spécialistes de la Lituanie en France. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y en a deux autres. Et les deux autres, je les connaissais que de loin. Alors, là, la première séance, ça va être simple. Mais la deuxième, si vous avez, je ne sais pas, de l'aspirine, quelque chose, n'hésitez pas à prendre avant, car à certains moments, ça va être compliqué. Donc, j'ai pris comme titre, donc, les Pays-Baltes. Enfin, c'est pas moi qui ai pris le titre, hein, c'est Madame Bainvielle. Donc, maintenant, on dit les Pays-Baltes. On dit même plus les trois, on dit les Pays-Baltes. Bon, bah, pourquoi pas. En réalité, ils sont trois. Et puis, ils sont assez différents, même des fois très, très différents. Et il n'y a aucune histoire, enfin, il n'y a pas beaucoup d'histoires communes entre ces pays. Alors, au début, c'était l'année passée, au mois de janvier 2005. Bon, je me suis dit, je vais aller chercher des livres d'histoire. Alors, il y a plein de livres sur les Pays-Baltes, tout le temps. Hein. Alors, je peux vous dire comment ils sont organisés. Premièrement, la Lituanie, deuxièmement, l'Estonie, troisièmement, la Lettonie, ou vice-versa. Enfin, bon. Mais il n'y a aucun exposé, aucune présentation des trois Pays-Baltes à la fois. Ça n'existe pas. Autrement dit, ça, c'est une première mondiale. Moi, je vais vous faire la sauce à tout. Donc, c'est un petit peu comme la chaîne. Cette photo-là, elle est devenue, enfin, c'est un monument. C'est en 91, donc l'URSS a éclaté. Et toutes les républiques soviétiques ont voulu leur indépendance. Et dans les premières semaines, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que l'armée, qui était encore l'armée rouge pour quelques semaines, a canonné, enfin a tué pas mal de Lituaniens autour du relais de télévision. Et bon, les Baltes, c'est des gens vraiment des pacifiques, hein, c'est vraiment des calmes. Ils ont répondu de façon aussi pacifique. Ils ont fait une chaîne qui va du nord, de l'Estonie jusqu'à la Pologne pratiquement, en faisant cette chaîne-là, une chaîne humaine. Donc un Letton tient la main d'un Estonien qui tient la main d'un Lituanien, etc. Donc la chaîne faisait plutôt 1000 km de long, ce qui montre un peu leur unité. L'unité encore, c'est-à-dire que quand ces pays ont été reconnus, et puis Berlin est devenu la capitale de l'Allemagne, donc il a fallu que tous les pays déménagent leur ambassade de Bonn à Berlin. Alors, par exemple, la Suisse n'a pas eu de problème, parce que l'ambassade de Suisse à Berlin n'a jamais été détruite. Mais, par exemple, la France, elle a reconstruire son ambassade à l'endroit où elle était. Bon. Et les Pays-Baltes, ils n'ont pas de sous non plus, ce n'est pas des pays très riches. Ce qui fait que, dans un premier temps, les trois pays ont fait ambassade commune. Donc, vous voyez, quand même, ils s'entendent bien, si j'ose dire. Alors, d'habitude, je commence toujours mes exposés. Bon, quand on m'avait demandé sur l'Italie ou sur la Grèce, j'étais parti du point de vue que l'Italie n'existe pas et que la Grèce n'existe pas. Ou, on pourrait dire, la France n'existe pas. L'Italie n'existe que parce qu'il y a des Italiens. Tant qu'il y a des gens qui se disent Italiens et qui veulent une Italie, ben, l'Italie existe. C'est tout simple. Il y a 1000 ans, personne ne voulait d'Italie. Même chose pour les Grecs, etc. Donc, pour les Baltes, je vais commencer de façon un petit peu différente. Alors, je crois que c'est sur ce bouton-là qu'il faut que j'appuie. D'abord, par les présenter. Alors, ils sont trois, donc c'est une carte anglaise. Alors, je vais revenir déjà sur une première chose. Ces pays, ils ont été n'importe quoi, puis allemand, puis polonais, puis russe, puis à certains moments, quelques-uns, un bout français, enfin bon, etc. Ils ont changé de langue, je ne sais combien de fois, et les noms des villes changent. Alors, par exemple, vous avez l'Estonie, la Lettonie. Alors, les Anglais appellent toujours la Lettonie la Latvie. C'est toujours comme ça. Dans de vieux manuels français, vous pouvez trouver encore la Latvie, mais ça ne se dit plus. La Lituanie, eux, ils l'écrivent encore avec un H. Moi, j'ai étudié beaucoup la Lituanie dans les années 1920, 1914, 1925, par là. Les livres français de l'époque écrivaient Lituanie toujours avec un H. Et moi, c'était une découverte il y a quelques années de voir qu'on avait fait sauter le H. Ça ne me gêne pas, hein, faut pas non plus croire ça. Donc, comment on les reconnaît? Ben, c'est simple, l'ordre alphabétique, c'est du haut en bas. Hein. Estonie, Lettonie, alors, bon, Lituanie. Il voilà. N'y a pas beaucoup de villes. Des villes en Estonie, il n'y a guère que Tallinn. Mais par exemple, vous allez voir que, bon, des fois, je dis Tallinn, des fois, l'ancien nom en allemand, c'est Reval. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a une ville dont on entendra peu, enfin, j'espère bien jamais parler. Ici, là, il y a la ville de Narva, qui a aussi un nom russe. C'est une ville fortifiée qui fait frontière avec la Russie. La Lettonie, on va dire la Lettonie. Il y a peut-être un coin dont je parlerai de temps en temps, c'est cette espèce de péninsule qui s'appelle la Courlande. Bon. Il n'y a qu'une principale ville, c'est Riga. Il y a un port ici, c'est Liepājām ou Liepāja. C'est un port qui est très récent, il n'y a pas grand-chose à en dire. En revanche, il y a une ville ici, moi je n'arrive pas à lire sur mon écran, c'est Daugavpils, par exemple, en allemand c'est Dunaburg. Et puis en Lituanie, l'essentiel des habitants habitent ici. Maintenant ça s'appelle Vilnius, si vous êtes polonais c'est Vilno, si vous êtes français d'avant 1930 c'est Vilna, si vous êtes juif c'est Vilné. Et si vous êtes, c'est tout, Vilné, Vilnius, Vilna, Vilno, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme autre ville? Il y a une ville ici dont j'espère qu'on ne parlera pas bientôt, c'est Siolä, alors ça dit Siolä, c'est ici. C'est gros comme la Roche-sur-Foron, mais il y a une grosse base aérienne, c'est là où sont basés l'essentiel des avions espions américains qui se montrent, hein, ils ne sont pas secrets, ils décollent tous les jours pour faire des grands tours. La ville ici, c'est Klaipėda, c'est la ville lituanienne. En allemand, c'est Memel. Bon. Alors, je vais essayer de garder toujours les mêmes noms, mais des fois, c'est un peu difficile, parce que bon, moi, je suis historien, je vis dans le passé. Alors, autre chose, les trois drapeaux se ressemblent. Trois bandes horizontales, alors je ne peux pas vous dire pourquoi il y a trois bandes horizontales, c'est Estonie, Lettonie, Lituanie. L'Estonie, à l'origine, elle ne voulait pas ça, elle voulait rouge, blanc, rouge. Et puis les Autrichiens ont râlé en disant c'est le nôtre. Alors ils s'en sont, le rouge c'est devenu grenat, et puis ils ont diminué le blanc. Donc c'est pas un pays violent, il aurait pu se battre contre la... Mais non, ce n'est pas le genre. Donc voilà ces trois pays qui se ressemblent. Alors, la présentation, si vous regardez bien, c'est une vue satellite. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces pays? C'est l'omniprésence du vert. Donc, il n'y a pratiquement pas de culture. Enfin, il y a des cultures, pas exagérer, mais c'est surtout des prairies, et c'est l'omniprésence du bois. Enfin, essentiellement, c'est du sapin ou du mélèze, enfin, je ne sais pas exactement, enfin, des résineux. Ce sont des pays très boisés. Alors le plus boisé, évidemment, c'est l'Estonie, la Lituanie moins, mais il y a des très grandes forêts ici. Alors, à quoi ça ressemble? Ben voilà, ça c'est... Quand j'avais commencé, je me dis, bon, il faut faire de la peine à personne, donc je mettais un exemple estonien, un exemple letton, un exemple lituanien, et puis ma présentation, on y serait resté 5 heures, donc j'ai eu pitié de ceux qui m'écoutaient. Je l'ai fait pour mon épouse qui me dit donc tu arrêtes. Bon, donc là c'est un tableau estonien qui a peint son village, peint sa patrie. Et c'est, bon, il y a beaucoup de lacs, je ne sais pas lequel c'est celui-ci. Là encore des îles, de l'eau, des arbres. Là c'est en Lettonie, c'est à peu près la même chose. Ce qu'il faut remarquer c'est qu'il n'y a pas de montagne, hein, ça n'existe pas. Le point culminant de l'Estonie, je crois, c'est 380 mètres. Donc. C'est plat. Si vous regardez bien, il y a une rivière dans le fond. Elles font des grands méandres. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de pente. Donc ça cherche. J'ai appuyé sur le mauvais. Voilà. Ça, c'est un paysage de Lituanie. Quand j'ai mis une étoile rouge, ça voulait dire qu'il fallait enlever l'écran. Donc les fleuves, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, c'est le Niemen. Qui ne sait plus dans quel sens est la pente. Alors, il fait des grands, grands méandres. Alors là encore, là, on est en Lituanie. Hein. Augustovo, c'est maintenant, ça se trouve en Pologne. Ça a beaucoup changé les frontières. Hein, faut... Et donc, là, des forêts. Là, on ne voit pas d'étang. Si, il y a un étang ici. La route fait barrage. Autre exemple qui est assez frappant, c'est le littoral. Le littoral, tout le long, ou pratiquement tout le long, c'est un littoral de plage sableux, avec des dunes. Donc c'est typique de le vent qui amène le sable, qui forme une dune. Et puis derrière, bon, ma foi, les dunes ont été recouvertes de forêts. Ça peut ressembler à, je sais pas, du côté des Landes. Et puis derrière, des étangs. Alors là, il y a un petit port dont je parlerai. Et là, c'est l'autre fleuve, c'est la Dvina, qui débouche du côté de Riga. Là encore, la rivière, elle ne sait pas par où couler. La photo est prise au printemps, donc oui, il n'a pas l'air de faire très chaud. Toujours des forêts. Et puis ce littoral sableux. Le résultat, c'est que ces pays n'ont, enfin, y aura deux exceptions, n'ont pas de port naturel. C'est-à-dire que, au temps de la marine en bois, les bateaux, il fallait qu'ils soient à l'abri des tempêtes, donc c'était mieux s'ils pouvaient aller dans un estuaire ou dans une baie bien abritée. Là, il n'y en a pas, vous n'avez qu'à regarder, il n'y a rien. La solution, ce serait de creuser, mais ce n'est pas possible. Et puis, ce qui complique encore les choses, c'est que c'est des pays baltes, donc qui sont d'ici à là. Alors, de 63 à 79, donc c'est des moyennes, depuis il y a le réchauffement climatique. Mais ce sont des mers qui sont normalement, alors quand c'est très quadrillé, c'est de la grosse banquise, là on n'y va pas. Mais quand on voit même des glaçons ici, actuellement il faut passer. Évidemment, les bateaux en acier, maintenant avec des moteurs, peuvent bouger, etc. Il n'y a peut-être pas forcément ici et là besoin de brise-glace. Mais à l'époque de la marine traditionnelle, toute cette côte, toute cette mer, ici jusqu'à peu près par là, c'était inaccessible. Donc on a des pays qui sont, du point de vue maritime, c'est pas là où on va. Enfin, pour être clair, ce n'est pas la Méditerranée ou la Grèce. Hein, c'est pas, il n'y a pas ces facilités portuaires. Et puis. Du point de vue agricole, on y reviendra, il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à en dire. Donc peu de relief, c'est pas très accueillant. Alors, il n'y a que deux ports. Il y en a un, c'est Riga, qui est ici, donc dans le golfe de Riga, qui est gelé. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est cette année, mais enfin, normalement, il est gelé 2 mois par an. Alors il est bien parce que les bateaux pouvaient se mettre dans l'embouchure de la rivière. La Dvina. Et puis l'autre port qui est ici, c'est le port de Tallinn. C'est une côte là. Par ici, c'est un peu plus rocheux. Mais ce sont les deux exceptions. Donc voilà le cadre un petit peu. Il n'y a pas de puits de pétrole, il n'y a pas de gisement d'uranium, il n'y a pas de mine de fer, il n'y a pas de terre d'une exceptionnelle fertilité. Il y fait froid l'hiver, mais bon. Maintenant, avec le réchauffement climatique, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Enfin, mieux vaut vivre, je ne sais pas où, moi, à Paris ou en Haute-Savoie, que par là. Hein. Il fait quand même beaucoup plus froid. Bon. Donc, je vais donc maintenant faire un peu de l'histoire. Donc, le premier choix que j'ai fait, ça va être de parler des pays baltes, mais des pays baltes où il n'y a pas de Baltes. Parce que je vais bien vous parler quelques temps des pays baltes, mais il n'y a pas de Baltes. Enfin, ou plutôt il y en a, mais on leur a dit de la boucler. Donc, j'y allais grosso modo, enfin pas grosso modo, j'y allais jusqu'en 1914. Alors, d'abord, il y a un problème de langue. Alors, pourquoi j'utilise la langue? D'abord, là, vous avez les quatre langues qui sont parlées dans les pays baltes avant 1914. Donc, le lituanien, le letton, l'estonien, le yiddish et le russe. Alors, vous allez dire pourquoi on met le yiddish? D'abord parce que les juifs du coin, on verra qu'il y a pas mal de juifs, ils écrivent en hébreu. Alors là, c'est écrit en hébreu, mais Il parle un dialecte, enfin, je veux dire, c'est de l'allemand dégénéré. C'est du yiddish. Alors, l'allemand est une langue qui n'est pas comme la langue française où il y a l'Académie française depuis Richelieu qui vous dit que l'accord du participe passé avec avoir, etc. En allemand, qui fixe la règle actuellement, c'est l'éditeur qui fait le dictionnaire, le Duden. Si c'est dans le Duden, donc c'est officiel. Mais autrement, je veux dire, ça c'est autant de l'allemand que le bavarois est de l'allemand. Mais enfin, il y a déjà un alphabet latin, deux alphabets latins, trois alphabets latins. Ici, il y a l'alphabet hébreu. Donc, ils écrivent en hébreu une langue qui est germanique. Et puis là, vous avez l'écriture cyrillique pour écrire du russe. Alors, pourquoi parler des langues? Parce que la langue, le but de la langue, c'est de communiquer et de communiquer avec celui qui habite à côté de chez vous. Donc. Et c'est ce qui crée des solidarités, des proximités. Alors, si on se met dans la zone de l'époque, voilà, ça c'est une vue allemande de Dünaburg. Alors maintenant, Dünaburg, c'est Doggerpils. C'est une photo, c'est une carte postale, elle doit dater de, quand on faisait des cartes postales comme ça, c'était 1905-1910. Dünaburg ou Doggerpils, ce n'était pas un patelin. Et on est avant 1900, il y a des poteaux électriques, il y a l'électricité dans les maisons, celle-ci, elle est couverte, enfin, c'est en bois, mais enfin en bois, là-bas c'est traditionnel, celle-ci est en brique, enfin, je veux dire, je ne suis pas allé prendre une photo de patelin parce que ça m'arrangeait. Alors là encore, pour les documents que je vais vous présenter, j'ai essayé d'enlever le maximum d'analyse des photos de propagande, j'ai pris des photos, voilà. Pour envoyer aux amis, bien arrivé à Dünaburg, etc. Là, il y a six gamins qui se montrent, ils sont tout contents. Mais regardez l'état de la route principale. Bon, bien sûr, il n'y a pas de trottoir, c'est une fiction. Là, il y a le ruisseau qui coule, mais c'est tout boueux. Là, il y a un autre ruisseau. Puis là-bas, dans le fond, c'est un étang, la route. Donc, quand on voit des conditions de circulation comme ça vers 1900, vous comprenez bien que les seules personnes à qui on peut discuter, c'est ceux qui habitent pas loin, parce qu'il n'y a pas de personne qui va venir du fin fond de Berlin, etc., visiter Dünaburg avec des routes pareilles. Il ne faut pas y compter. L'exemple, vous voyez, c'est un document, ça c'est vers 1820. C'est un paysan de Lituanie. Vous voyez, à l'époque, en français, on mettait un H. Ça a disparu. Regardez le paysan comme il a des bottes, et vous allez voir sur les différents documents que je vous montrais, ils mettent tous des bottes pour une raison très simple, c'est qu'ils pataugent dans la batiote sans arrêt. Et forcément, vous n'allez pas loin parce que c'est trop loin, c'est trop mouillé, c'est trop glissant, enfin, vous voyez le temps séjour, vous n'allez pas aller aujourd'hui à pied, à Rumilly, c'est pas bien pensable. Bon, là, il fait pas chaud, manifestement. Il a mis une veste en fourrure, la fourrure est en dedans, ce qui en Europe, enfin en Europe de l'Ouest, en France, ça étonnait beaucoup, parce que la fourrure, on la mettait dehors pour faire chic. Eux, ils sont pas bêtes, ils mettent la fourrure dedans pour avoir chaud. Là, on a sa femme, une paysanne de Lituanie. Alors là, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai dit, elle n'a pas de bottes. Enfin, je sais pas ce qu'elle a, elle tient un poulet. Ouais, bon, on peut pas faire tout. Autre exemple, ça, c'est en Lituanie. C'est un. Comment dire, c'est du côté de Siolay, c'est du côté où il y a la base aérienne. C'est une exploitation, en France, on dirait ridiculement petite. Elle fait 6 hectares et elle fait de l'avoine et du pois. Bon. Bon, évidemment, ce que je vous montre là, ce n'est pas une autoroute. Hein, c'est pas, ils savent que les autoroutes, ce n'est pas ça. Ça, c'est un chemin pour les tracteurs. Bon. Mais réfléchissez un petit peu, promenez-vous en France, les chemins pour les tracteurs. Ils sont goudronnés. Enfin, pour aller au champ, ils sont goudronnés. Évidemment, dans le champ, ils ne sont pas. Ou bien, s'ils ne sont pas goudronnés, c'est du gravier, c'est de la piste. Mais enfin, on peut y aller en voiture, quoi. Bon, ben, ici, en voiture, moi, je n'y vais pas. Hein, parce qu'on risque de. Enfin, c'est du sable, c'est ce meuble, etc. Puis, au fond, toujours la forêt qui est omniprésente. Et le résultat, pourquoi on va parler sans arrêt de langue? Parce que c'est des sociétés qui sont assez immobiles. Elles ne bougent pas. J'ai aussi parlé des religions. Alors les religions, ça c'est une carte allemande qui date de aux alentours de 1910, 19, ça doit être 1910, 1920, peut-être 1925. Donc grosso modo en rouge, c'est la famille protestante. Plus c'est rouge, plus c'est protestant. En vert, ce sont les catholiques. Plus c'est vert, plus c'est catholique. En bleu, c'est orthodoxe. Plus c'est bleu, plus c'est orthodoxe. Et puis en jaune, alors le jaune on le voit là, c'est juif. Alors les juifs, j'y reviendrai bien, enfin, très souvent, oui, on n'en voit pas. Bon. Le problème, c'est que les juifs, généralement, sont concentrés dans les villes. Et il y a certaines villes qui sont plus juives que Jérusalem. Par exemple, Vilna, c'est ici, entre 30-35% de la population est juive. Évidemment, si on fait par district le système même beaucoup. Maintenant, ces langues qui sont un petit peu différentes, alors je vais revenir un petit peu en arrière, le lituanien et le letton sont deux langues qui, paraît-il, moi je ne suis pas linguiste, hein, qui, paraît-il, étaient communes, disons, il y a 1000 ans, 12 siècles environ. Donc, vous voyez, il y a des mots qu'on retrouve, sian, den, c'est du français. En français, j'ai écrit, aujourd'hui, il y a une histoire des pays baltes. L'histoire est très compliquée, parce qu'il y a des Russes, il y a des Suédois, il y a des Juifs et il y a des Allemands. Bien, la sodienne, sanden, conférence est un mot récent, donc c'est normal. Valstou, c'est quand même assez différent. Hein. Alors ensuite, l'estonien, alors lui, c'est l'estonien, ça n'a rien. Le lituanien, une particularité, c'est la langue européenne, si j'ose dire, qui est la plus proche du sanskrit indien. Pour les linguistes, il paraît que ça ressemble beaucoup au sanskrit. On ne rentre pas dans les détails, je ne sais pas. L'estonien, c'est une langue qui aurait des parentés avec le finlandais, le finnois, qui est encore une langue qui n'a strictement rien à voir avec les langues indo-européennes. Ça, c'est le yiddish, donc de l'allemand, et là, c'est le russe. Donc, voilà un tout petit peu ces solidarités. Et ces solidarités, elles se compliquent, se conforment avec les religions, sur lesquelles je reviens. Alors, pourquoi la carte des religions? Parce que là, je vais citer, ça va revenir souvent, je vais citer quelqu'un, c'est André Siegfried. Alors, André Siegfried, moi, je l'aime beaucoup, enfin, bon, entre nous, il n'y a rien. Hein. C'est un des fondateurs de l'école de sciences politiques à Paris, vers 1900. Alors, il était célèbre, il voulait savoir pourquoi dans tel endroit on votait à droite ou à gauche. Il voulait l'explication, pratiquement mathématique. Et il a fait sa thèse, c'était sur, je ne me souviens plus le titre, c'était, le géopolitique, c'était pas un mot de l'époque, le tableau politique de l'ouest de la France. Et il est arrivé à la conclusion que le calcaire votait à gauche et le granit votait à droite. Voilà ce qu'il avait trouvé. Bon, alors il avait trouvé plein de... quand il a fait son livre, c'était assez juste. Hein. Je ne dis pas que le paysan dit, tiens, je gratte du granit pour que je... Non, il n'a pas dit ça. Et il a fait, alors, puisque ça marchait pour l'ouest de la France, il a dit, je vais passer à l'Ardèche. Il a fait tous les départements. L'Ardèche, c'est un des premiers. Et là, il ne comprenait plus rien. Parce qu'il est telle vallée, ils sont paysans, ils cultivent, ils ont des chèvres, ils cultivent les marrons... Bon, ils vont travailler à la soierie. Bon, la vallée d'à côté, ils sont paysans, ils vont à la soierie, ils cultivent des châtaignes, enfin, ils mangent pareil. Il y en a un qui vote à droite, l'autre qui vote à gauche depuis toujours. Et c'est pas possible. Les deux sont du granit. Pas possible. Et il en tire comme conclusion, seulement il y en a une qui est catholique et l'autre qui est protestante dans les vallées. Alors, sa conclusion, je vais vous la lire, c'est lui qui dit, hein, nous en tirons comme conséquence que quand l'argument religieux joue, aucun autre argument ne tient devant lui. Bon. Et, quand j'avais lu ça, bon. Mais, si vous réfléchissez, vous n'avez qu'à regarder l'actualité actuellement, dès qu'on touche au truc religieux, tout le reste Enfin, donc André Siegfried avait raison bien avant. Alors, ces solidarités, c'est-à-dire que dans toutes ces communautés, évidemment, il y a soit le sabbat, soit le dimanche, etc. On se retrouve, et donc il y a des communautés. Alors ici, c'est un Estonien, il a beaucoup fait de tableaux avant 1914, des sorties d'église. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'il y a une société très très différente. Ici, manifestement, ce monsieur, il a des chaussures, il n'a pas de bottes, mais il a eu chaud. Hein. Quand un bal t'a chaud, il doit faire 20 degrés peut-être. Et il est en redingote, quelqu'un de riche, cette dame-là a l'air aussi assez aisée. À côté, il y a une pauvresse avec une gamine qui n'a pas de chaussures. Celle-là, elle a des espèces de savates. Enfin, ici, il y a un autre couple de personnes âgées avec peut-être la belle-fille. Enfin bon, là, j'en sais rien. Moi. Donc on a une société très disparate, mais qui est tenue ensemble par des phénomènes religieux et par la langue. C'est-à-dire qu'un Letton, par exemple, il est protestant, normalement il est protestant, il se retrouve dans le temple, il croisera jamais un... Enfin, s'il croise un Lituanien, il ne parle pas la même langue, ils ne vont pas au même endroit, et ils ne se mélangeront pas. Bon, idem avec un Russe. Donc on a des sociétés assez immobiles. Alors quels sont ces Baltes, ou des Baltes, vous en avez là. Encore, ce n'est pas sûr. C'est le tableau, il est pris vers... J'ai la date, là, c'est vers 1894. Honnêtement, je pense que ces deux-là sont russes. Enfin, bon, ils ne sont pas là pour me le dire. Donc, ces baltes, ça va être la dernière fois que j'en parle, des baltes. Ça, c'est des gravures que j'ai trouvées du 18e siècle. Voilà un paysan balte. Alors, contrairement à ce que je montrais tout à l'heure, il n'a pas de bottes. 18e siècle. Bon, il aiguise sa faux. On pourrait prendre ce tableau pour un paysan allemand, français. Peut-être pas, parce que vraiment, il est très chevelu. Et en France, quand on voit les tableaux de paysans au 18e, ils se coupent les cheveux quand même. Enfin, bon. Et puis, donc, on a une société agricole. Derrière, on a un bâtiment. On devine que c'est en bois, une grande cheminée. Bon. Et c'est un système féodal. Et là, on a ce qu'on pourrait appeler un seigneur ou un aristocrate. Il a une épée. Là, c'est un... Il est à Vilna, ou Vilno, ou Vilnius, comme vous voulez. Et donc, il vit grâce aux redevances que payent les paysans, tout simplement. Donc, on ne connaît pas bien toutes ces relations au XVIIe siècle. Il n'y a pas beaucoup d'archives. Enfin, grosso modo... ce genre d'individu vivait de l'agriculture en essayant de pressurer les paysans. Et on en connaît un peu plus sur ces seigneurs. Alors voilà, c'est un château qui est en Lituanie. C'est le château de Trakai. Alors, il a été tout restauré. J'ai regardé sur les guides pour aller visiter la Lituanie. On vous dit tout le temps, allez visiter le château de Trakai. Là, il y a des bateaux. Enfin, maintenant, c'est touristique. À Pointe-Claire, il y a une vedette. C'est sur un site défensif, des tours. Enfin bon, il n'y a rien de... C'est joli, remarquez. Hein, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il est évident que là, c'est la cour où on abrite les paysans en cas d'invasion. Alors, des invasions, on va voir qu'il y en a pas mal. Et il n'y a qu'une seule ville qui soit balte. C'est la ville de Vilna ou Vilnius ou tout ce que vous voulez. Ça vient d'un document qui s'appelle le Theatrum Mundi. Alors, c'est un ouvrage qui était en latin. C'est quelqu'un, un Allemand, qui a fait, à une époque où il n'y avait pas de vue aérienne, pas de drone non plus, il a fait le tableau des grandes villes européennes. Donc il y a Paris, il y a Rome, il y a Londres, et il y a Vilna, donc vous voyez, c'est une grande ville. Alors il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien, par exemple là il y en a deux qui se battent à coups de hache. Pourquoi? Bon, on ne le saura pas. Donc vous avez une ville, c'est la seule ville qu'on peut dire vraiment, la seule ville balte. Elle s'est installée là, je ne sais pas pourquoi. La raison c'est que là il y a une petite bosse qui existe toujours, sur laquelle il y a le château d'origine. Et cette bosse, c'est... j'espère qu'il n'y a pas de géologue dans la salle, c'est un gros tas de terre. Et le fait d'avoir construit le château dessus, tout s'effondre. Alors ils ont essayé de retaper, même maintenant, ça s'est encore coulé. Donc ils sont en train de bétonner, parce qu'ils y tiennent à leur bout de château. Donc maintenant, il y a un petit funiculaire pour visiter. Déjà à l'époque, celui qui l'habitait en haut, il n'était pas très sûr de ça allait tenir. Donc il s'est installé en bas. Et là, vous avez le palais du grand-duc de Lituanie, avec ici la. Enfin, j'allais dire la grande rue, mais il n'y a qu'une rue. Alors. Là, il y a l'hôtel de ville, il y a toute la légende en dessous, on s'y retrouve bien. Toute la maison, pratiquement, à part ce. Donc ici, il y a beaucoup d'églises, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais tout ce que vous voyez en marron, c'est des constructions en bois. Donc en briques, il n'y a que pratiquement ici les bâtiments officiels, le tribunal, la mairie. Là, il y a un ou deux couvents. Les fortifications de l'époque, si vous regardez bien, elles existent encore, mais là, ça a été détruit. Elles ne servent plus à rien, manifestement. La ville s'est agrandie en dehors des fortifications, donc tout est en bois. Maintenant, de quoi vit la ville? Bien, ici, il y a la rivière qui coule, la rivière s'appelle la Vilnaie. Et on coupe du bois dans le coin, on le met sur la rivière et ça descend vers le Niémen pour être exporté dans les pays qui en ont besoin. Donc c'est le plus vieux document que l'on ait, et cette ville est incontestablement, vous voyez, si on voit le nom, c'est Vilna Lituaniae, Vilna en Lituanie. Mais là, je vous dis tout de suite, là, ça semble être un seigneur, il n'y a rien qui est dit, alors on a laissé à notre libre. Alors pourquoi ces deux-là se battent à coups de hache? Bon, pas trop se poser de questions des fois. Et autre chose aussi, là encore c'est en français, ça date de 1803. Je pense qu'il s'agit des cartographes de Napoléon. Parce que Vilna, c'est la ville qui lui a servi de base de départ pour aller envahir Moscou, et puis de base d'arrivée quand ça a mal marché. Il y a 2-3 ans, on a trouvé dans la banlieue de Vilna des fosses communes dans lesquelles il y avait des empilements de soldats français. Donc l'Institut Pasteur s'en est mêlé. Ils sont morts de typhus. Enfin bon, il y en avait au moins 200-300. Mais il y aurait plusieurs fosses communes, peut-être avec 10 000 soldats qui sont morts de maladie. Donc là encore, on voit toujours la rivière. Ils ont bien dessiné le château, enfin la motte de terre. Mais moi, ce qui m'intéresse, je vous ai agrandi un petit peu ce coin-là. C'est de quoi se dit cette ville en 1803. Alors, c'est la vue suivante. Alors, je pense qu'on voit pas bien la cathédrale Saint-Jean, la Sainte Trinité, Saint-Casimir, etc. Et si je regarde, c'est aussi très mélangé. Il y a la mosquée tartare, donc c'est les Mongols. Il y a des églises juives, enfin, et il y a l'hôtel de ville comme partout, mais c'est une ville universitaire. Donc une université, collège de médecine, théâtre anatomique, l'arsenal, le grand théâtre. Bon, après, il y a l'entrée du souterrain qui passe sous le château. Ça, ils n'auraient pas dû faire, parce que le château, il se tasse encore, la porte du château. Bon, il y a un moulin. Bon, c'est pas ce qui fait vivre la ville. Donc on a une ville, si j'ose dire, qui vit maintenant, on dirait une ville tertiaire, qui vit du clergé, qui vit de l'administration. De l'armée, mais il n'y a personne qui menace particulièrement Vilna. Alors voilà, j'ai fini de parler des Baltes, parce que maintenant, à partir de maintenant, il n'y a plus de Baltes. Alors, je vais d'abord parler d'autres, je vais parler des Allemands. Alors les Allemands, ce sont ces individus-là qu'on appelle les chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques, ce sont des moines, enfin on va appeler ça comme ça. C'est un ordre militaire qui avait pour but de libérer le Saint-Sépulcre des musulmans. Et puis, pas de chance, les musulmans ont pris Jérusalem, Saint-Jean d'Acre, et eux, ben, ils n'ont plus rien à faire. Et donc, ils vont aller étendre le christianisme, et à l'époque, c'est le catholicisme, chez les païens. Donc, ils ont un uniforme blanc avec la croix noire. Ça, c'est un chevalier. Et ils vont conquérir tout ça. Tout là, ici, donc la Livonie, enfin, bon, l'Estonie, la Lettonie. Pas le duché de Lituanie pour une raison très simple, c'est que le duché de Lituanie, il est catholique. Il est déjà catholique, si j'ose dire, et donc on laisse tranquille, donc ils partent de Prusse. Ils sont beaucoup prussiens, ces gens-là. Et ils traversent la Prusse sans trop de problèmes, enfin, quand même, ils en tuent quelques-uns. Mais là, ils vont s'imposer et ils vont imposer la paix évangélique aux Lettons. Alors, vous n'avez qu'à regarder, ça, c'est un évêché de Lettonie. Vous voyez qu'il ne se sentait pas en sécurité, on peut dire. Hein. Normalement, un évêque, il revient d'un donjon, enfin de deux donjons. Surtout que les fenêtres que vous voyez là, elles datent de 2 siècles après. Donc, à l'origine, il ne se sentait pas vraiment à l'aise chez les autres, quoi, on va dire comme ça. Et c'est par la force que les populations vont être converties. Alors, voilà un autre château. Alors, là encore, donjons, cours, des tours. Alors là, ils ne risquent pas non plus d'être envahis à la rivière de chaque côté. Puis si on regarde mais bien, ici, ils ont fait plus tard, alors 3-4 siècles après, des fortifications à la Vauban pour l'artillerie. Enfin. Donc, c'est une conquête militaire. Et c'est une conquête militaire par ces moines soldats, et au moment de la réforme protestante, c'est l'ordre des chevaliers teutoniques va passer du côté protestant. Ce qui veut dire concrètement, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé quand l'URSS s'est écroulée, le directeur de l'usine, il est devenu propriétaire de l'usine. Et là, le moine, enfin l'abbé qui dirigeait ce monastère, eh bien, il va devenir propriétaire de ce que possédait le monastère, et il va y avoir toute une succession de ce qu'on va appeler la noblesse balte ou les Allemands baltes. Alors voilà le château de Venden, il est un peu en ruine actuellement. Mais la famille de Venden, elle est dans le coin et ici ça fait vieux jeu, mais elle l'a construit de l'autre côté, donc elle a gardé une tour. Puis elle a fait un immeuble un peu comment dire, plus habitable, quoi. Et ce sont des barons baltes qui ont pris la succession, c'est-à-dire que il y a des paysans qui vont travailler pour eux, qui payent des taxes, ou bien les paysans cultivent le blé, mais le blé revient, etc. Et ces gens-là vont se tenir très très longtemps, plusieurs siècles. Alors vous avez qu'à regarder le genre, c'est pas spécialement des gens souriants. On est en Lettonie, vous voyez, ils ne s'appellent pas avec des noms latins, c'est le baron von Beers, le baron Heinrich von Grotius, le baron Paul von Medem, et en plus, au fur et à mesure que le temps va passer, ils étaient déjà barons, ou comtes, barons, donc gros propriétaires, soit ils vont souvent devenir commandants de gendarmerie, ou, vous voyez, chef de la police, Jelgava, c'est un coin, ils sont assez nombreux. Là, il a son épée, la photo date d'avant 1914. Ils ne sont pas très loin dans les trucs d'impôts, parce qu'il faut écrire, c'est fatigant, mais ils sont chefs de l'administration fiscale, quand même. Hein. Et c'est eux qui commandent. C'est pour ça que tous les noms lettons, maintenant on dit lettons, maintenant on dit Daugavpils, pour eux, c'est pas Daugavpils, c'est Dunabourg. Et les paysans, les paysans, voilà un petit peu leur lieu. J'ai pas pris, au début, je me dis, tu prends ça, ça fait misérabiliste. Tu fais ça pour exagérer le baron balte très riche et puis les paysans lettons très pauvres. Puis je me suis rendu compte, il y en avait plein comme ça. Alors, bon, le toit, c'est un toit de chaume, il a quand même besoin d'être refait. Et puis bon, il y a une dame ici, pour la photo, on les a fait sortir, hein, faut pas se faire d'illusions. Elle est au rouet, elle est en train de filer du lait. Ben, c'est pas. La cheminée, en revanche, est en brique. Là, il y a encore un autre individu, on l'a sorti pour la photo. Hein. Mais la population est une population qui est pauvre. Alors, il y a d'autres photos, j'en parlerai plus tard. Celle-ci, disons, un petit peu en dessous de la moyenne. Il y a pire, hein. Il y en a, il y a même, là, quand même, il y a un toit. L'autre, il n'y a pas de toit. Donc ça, c'est les barons bâles qui sont un peu partout, sauf en Lituanie, parce que c'est catholique, et qui maintiennent une structure, oui, féodale. Et la deuxième influence allemande, c'est ça. Ça va être dans les ports. Bon, les barons bâles qui sont par là, partout, ils sont à la queue des campagnards. Ils sont là où il y a des terres. Là, je parle des ports. Alors, il y a le port de... Pour les Allemands, c'est Reval. Pour nous, c'est Tallinn. Riga, ben, ça n'a pas changé de nom, ça tombe bien. Il y a le port de Libau. Alors, pour les Lettons, c'est Liebacha. Il y a le port de Memel. Et pour les Lituaniens, c'est Klaipėda. En fait, Liepāja, Memel, Klaipėda, c'est assez secondaire. Les deux grands, ce sont ces deux ports-là. Et ce sont des ports qui sont des ports allemands. Alors, les Canadiens, ça date de 1544, donc c'est pas hier. Tout est en allemand. Hein. Ici, Das Schloss, le château, San Jakob, San Peter, le Rathaus. Là, le Duna, c'est le fleuve. Et c'est une ville qui est fondée par les Allemands. C'est une ville de la Hanse. Alors la Hanse est une association de villes allemandes, presque toutes des ports. Il y a Hambourg, il y a Brême, la capitale c'est Lübeck. Et ils se sont installés là, on va y revoir, pour plusieurs raisons. Ça c'est un siècle plus tard. Le gros problème de Riga, il y a le fleuve donc il faut un pont. Et chaque fois que vous montrez des villes de Riga, vous verrez, il y a toujours ce problème de pont. Alors là c'est un pont, c'est des bateaux qui doivent pouvoir se déplacer, pour que les grands voiliers puissent sortir. Là, on est de l'autre côté. Et le paysage, les deux grandes églises, puis ça, c'est l'hôtel de ville, ça n'a pas changé. Ils ont traversé plusieurs guerres, mais ça n'a pas changé. Alors, pourquoi des commerçants allemands se sont installés là ? Parce que cette région... Enfin, elle n'est pas la seule, mais elle fait partie des régions comme la Suède ou un petit peu la Russie. Enfin, à l'époque, il n'y a pas de Russes par là. La Finlande. Elles sont essentielles pour la France et le Royaume-Uni. Il faut des navires. Les navires comme celui-là, ils sont en bois. Alors, pour la coque, il n'y a pas de problème. Tout est en chêne. Alors, en France, en Angleterre, il y a des chênes. Mais pour les mâts, il faut des arbres bien droits, si possible, le plus long possible, c'est-à-dire des sapins. Bon. Et les sapins, il y en a bien dans les Alpes, il y en a bien, mais enfin, amener un sapin de, je ne sais pas où, moi, du Jura jusqu'à Cherbourg, c'est pas facile. Et donc, ils vont chercher tout ce qui est nécessaire pour la marine à voile, c'est-à-dire les sapins, donc des troncs d'arbres. Il faut que les arbres aussi... Les coques ne pourrissent pas, donc il faut du goudron, et le goudron c'est fait par la distillation du bois. Donc là encore, les Baltes distillent du bois, c'est-à-dire grosso modo ils le font brûler sans oxygène, enfin bon. Il faut aussi des voiles, les voiles sont en lin, et ce coin-là, le lin il pousse très bien. Il pousse très bien, mais... Les graines de lin sont achetées ici, elles sont emmenées soit en Angleterre, soit en Bretagne. On amène la graine là-bas. En Bretagne, on la sève, elle se développe, on coupe avec la fibre de lin, on fait des voiles. Pourquoi les Bretons, par exemple, chaque année doivent acheter des bateaux et des bateaux de graines de lin? Tout simplement, si vous coupez la plante de lin, forcément, elle n'a pas le temps de fleurir, il n'y a pas de graines. Donc, il y a donc tout ce trafic. Et donc, le goudron, le bois, le lin, aussi le chanvre pour les cordes. Donc, si vous voulez, avoir une maîtrise maritime suppose des bateaux, donc des bateaux, donc des voiles, donc des cordes, donc du goudron, etc. Donc, il faut à tout prix avoir des bases, ces coins-là, pour s'approvisionner. Alors, voilà une vue de Riga. Alors c'est une ville allemande. Hein. Alors il faut faire attention parce que ça, là, ça doit avoir 15 ans. Alors, c'est-à-dire qu'ils l'ont reconstruit exactement comme avant. mais ça ressemble à une ville de Laon. Alors toujours, ça c'est l'hôtel de ville. On le voit apparaître très très souvent. Une autre ville, là, c'est ce qui est devenu Tallinn. Donc pour les Allemands, c'est Reval. Bon. Et là, c'est le seul coin où il y a un bourg rocheux. Et la ville de Tallinn, de Reval, elle est toujours fortifiée, à toute son enceinte. Actuellement, c'est un lieu touristique pour les Suédois et les Finlandais. Ils viennent là pour se saouler le samedi dimanche. Hein, si, c'est comme ça, hein, le tourisme aussi. Donc là encore, voilà le centre-ville de Tallinn. Je suis pas sûr que tout date de l'époque. Je suis même sûr que tout ne date pas de l'époque. Donc ils ont même poussé jusqu'à mettre des enseignes en vieille. Je sais pas si c'est la Savoie qui est ici. Enfin, bon, de toute façon. Donc une activité très très profonde. Alors il y a d'autres petits ports. Là c'est le port de Memel. Donc vous voyez, quand même pas grand-chose. On va pas y passer la nuit. Donc il y a les grands ports qui sont allemands, dans la campagne des barons baltes. Et puis après, il est arrivé d'autres choses. Cette région est devenue russe, surtout l'Estonie et la Lettonie sont devenues russes, avec des paysans, bon, on va être gentil, on va dire pas très malins et assez incultes, ils ne savaient pas faire. Et donc la tsarine Catherine a eu l'idée de faire venir des Allemands, des colons allemands qui connaissaient bien leur métier, pour diffuser des techniques agricoles. Alors là, c'est la ville de Kebeln qui est ici. Alors en lituanien, ça s'appelle Kubelai. Et il y a de nombreuses familles allemandes, de paysans allemands. Alors ils venaient là-bas, vous aurez des terres, ça sera bien, vous serez bien accueillis, ça sera super, etc. Donc ils sont installés, vous voyez, cette installation-là. Ça, c'est l'école primaire qui est restée allemande jusqu'en 1944. Mais il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Voilà, alors, maintenant c'est touristique, un intérieur de maison allemande. C'était peut-être pas aussi propre que ça à l'époque. Vous voyez, c'est tout est en bois. Il y a une chose aussi, ça c'est le poêle. Ça. Par derrière, il le charge de bois. Il faut au moins 2-3 jours pour que la maçonnerie soit chaude. Puis après, la chaleur rayonne dans tout le bâtiment. Et le résultat, voilà la carte des ceux qui se considéraient comme allemands en 1897. L'époque, c'est russe, et le tsar faisait des enquêtes en demandant vous parlez polonais, allemand, ingouche, etc. Donc, si vous regardez bien dans certains coins, ici, par exemple la région de Riga, la région de Tallinn, ou bien la région de Lepaja, enfin, grosso modo, les ports sont plus ou moins allemands. Bon, ici, c'est ce coin-là, c'est où je vous ai montré les trois monsieur rigolos tout à l'heure. Évidemment, dans les coins perdus, ils n'y allaient pas beaucoup. Donc on a une influence allemande qui est très très forte et qui a duré très longtemps. Alors ça c'est la carte, toujours la proportion, on leur appelle ça les germano-baltes. Je ne sais pas, ils n'existent plus, mais si on leur avait demandé vous êtes quoi, je pense qu'ils auraient répondu. Ils auraient répondu je suis d'ici, mais ils parlent allemand, vous n'avez pas de doute. Regardez par exemple 1063, en bleu c'est Libau, c'est le port, 65% d'allemands. Et les Allemands sont restés très très forts, à peu près 20-30%, jusqu'en 1920-30. 1939, Hitler a demandé à ce que ça s'arrête, soit qu'ils rentrent chez eux, qu'ils reviennent dans la mère patrie. En fait, là, ça baisse, pas parce qu'ils meurent, mais surtout par là, les 1927, 31, 23, etc. Il y en a plein qui. De leur plein gré ou pas de leur plein gré, j'en sais rien, ont accepté d'avoir le passeport letton ou estonien. Donc forcément, ils sont plus là. Ici, on demandait quelle langue vous parlez, et là, on leur demandait de quelle nationalité vous êtes. Donc c'est pas exactement pareil. Donc, il y a une couche de Baltes qu'on connaît pas trop, qui sont des paysans qui travaillent et qui sont exploités par le noble du coin. Dessus, vous avez rajouté une couche d'Allemands. Alors, il y a les Allemands du commerce qui sont en ville, négociants, les barons baltes, et puis quelques paysans qui sont venus là pour faire de l'instruction. Mais très très vite, ça ça s'est arrêté. Ils ont dit, ici, ça vaut, la terre vaut rien, on perd son temps. Maintenant, troisième couche, ça va être les Polonais. Alors, à cette carte, c'est ce qui s'appelle la République des deux nations. Alors, République, ils parlent en latin, la Res Publica. La Res Publica, nous, on traduit en France par République, mais c'est une erreur. Les Anglais traduisent par Commonwealth. La Res Publica, en latin, c'était la chose publique. On pourrait traduire en France par l'État. Et donc, il y a un État qui s'est formé de la Pologne. Donc, vous voyez, la Pologne, elle part de la Baltique, de Gdansk. Elle va, Kiev est polonais. Je pense que ça ferait plaisir à Zelensky. Ça va pratiquement jusqu'à la mer Noire. Et puis la Lituanie, c'est tout ce qui est rouge, rose et puis azur. Bon. Et ces deux États vont se marier pour faire ça. C'est l'union des deux États. Alors le cheval, c'est le symbole de la Lituanie et l'aigle, c'est le symbole de la Pologne. Bon. C'est un État qui est très, très, très puissant. Vu la taille de l'époque, et les nobles du coin, alors vous en avez pris un, là, tableau, ceux qui habitaient, alors je ne sais plus quel terme employer, ce monsieur-là, Mikolaj Krzysztof Czaleki, il est né en Lituanie, dans ce qui est maintenant la Lituanie, dans une famille aristocratique. Il parle le latin, qui est la langue officielle de la Lituanie, le latin. Et il va faire sa carrière, vous voyez, il est allé à l'université de Paris, à l'université de Louvain, enfin c'est un catholique, donc il va à Louvain, il ne va pas ailleurs. Il est chancelier des deux couronnes, c'est-à-dire il est ministre de la justice de l'État des deux nations, c'est-à-dire Pologne-Lituanien, mais ce type-là, il parle, ses origines lituaniennes sont incontestables, enfin, ses origines géographiques lituaniennes sont incontestables, mais il a fait toute sa carrière à Varsovie, ou etc. C'est-à-dire, on les appelle souvent les polono-lituaniens ou les lituaniens polonisés. C'est-à-dire que pour lui, il ne s'est pas posé la question de son passeport. Ce qui fait qu'il y a les élites lituaniennes, elles sont catholiques, les Polonais sont catholiques, dans les deux, on dit la messe en latin. Donc, il n'y a pas de problème pour lui. Et donc, on a les élites lituaniennes qui deviennent en fait des élites, enfin, les élites de la Lituanie, enfin, de ce qui est maintenant la Lituanie, étaient des élites de langue polonaise. Bon. Mais à l'époque, on ne disait pas, est-ce que tu es polonais, est-ce que tu as un passeport? Si on lui avait demandé à lui ce qu'il était... Parce qu'il aurait dit, moi je suis catholique ou j'appartiens à l'État des deux nations. Bon, c'était pas un problème. Et étant catholique, évidemment, cet État des deux nations va être un lieu de combat contre les protestants. Donc il y a du baroque. Hein. Alors là, si vous voulez du baroque, il y en a encore plus que dans les églises de Haute-Maurienne. Là, ils n'hésitent pas. Hein. Et le monument le plus important de Lituanie, c'est celui-là. Alors, vous commencez par ici, il y a une rue qui traverse les fortifications, donc c'est une porte. Et au-dessus de la porte, il y a une chapelle. Et dans cette chapelle, avec une fenêtre, on voit cette chose jaune qui est l'icône. Alors, c'est la seule icône, paraît-il, c'est la seule icône de la Vierge, c'est une Vierge noire, dans laquelle on ne voit pas l'enfant Jésus. Et cette icône, c'est, le Louvre, plus Notre-Dame, plus l'Arc de Triomphe, plus Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel, plus les châteaux de la Loire pour les Lituaniens. C'est-à-dire que tous les Lituaniens, même maintenant, qui parlent lituanien, etc., ont une révérence totale pour cette icône. Elle a survécu à toutes les guerres. Quand il y a une invasion, on la prend, on la cache, on la remet, enfin bon, etc. Là, c'est une vue qui est récente. Avant, elle n'était pas aussi bien visible. Évidemment, en 1924, il n'y avait pas l'électricité là, mais elle ne se voyait pas. Donc ça, j'ai fait la couche de lituanien, la couche d'allemand. Là, c'est la couche de polonais. Maintenant, il y a une troisième couche, c'est la couche de juif. On va dire, t'as un État laïque, pourquoi encombrer avec la religion? Alors, moi, ça ne me gêne pas trop. Les juifs, à l'époque, sont connus dans les enquêtes russes comme juifs. On demande. Donc, vous en avez un ici. Alors, je ne sais pas. Vu de l'extérieur, on ne voit pas bien pourquoi il est juif. Enfin, bon. Alors, c'est en français. Habit de Polidjou, juif polonais. Bon. À l'époque, à Vilna, la population de juifs est de 30 à 40 %. Là, ce sont des cartes de l'époque. Là encore, ces cartes sont fausses. Enfin, non, elles sont justes, mais... pourquoi il y a autant de juifs dans ce coin-là? C'est... Comment dire? C'est l'impératrice, c'est Catherine II, qui était d'abord les rois de Pologne, qui ont eu une législation très libérale envers les juifs. Ils pouvaient venir s'installer librement et professer leur religion sans aucun problème dans l'état des deux nations. Alors il y avait une condition, c'est qu'ils n'avaient pas le droit d'être propriétaires fonciers, ils ne pouvaient pas posséder de terres. Ce qui, de fait, signifiait qu'ils ne pouvaient pas être paysans. Donc, ils avaient tous les métiers possibles. Alors, pas être paysan, pas de fonction officielle. Bon, par exemple, pas être aux impôts, à l'armée, enfin, etc. Donc, il restait quoi? Il restait les métiers de l'artisanat, du commerce. Des métiers souvent fréquentés, c'était dans le textile, dans le... la boucherie, enfin, dans des choses comme ça. Maintenant, pourquoi je vous dis que cette carte, elle n'est pas très bonne? Parce que la population juive, ce n'est pas une population rurale. Enfin, pour l'essentiel, ce n'est pas une population rurale. Ce qui fait qu'on a des cartes, par exemple, là, c'est le Voïvode de Minsk. Bon, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de juifs. En fait, ils sont tous au même endroit. Là, par exemple, ici, Grodno, maintenant, ça s'appelle Rodna. Grodno, maintenant, c'est en Biélorussie. Bon, la Souvalki, enfin... Les frontières ici, à 4-5 km près, ça a été polonais, russe, mais non, ça c'est en Biélorussie. Pourtant, Vilna, vous voyez, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de juifs, mais Vilna, c'est une trentaine de population, une trentaine de pourcents de la population qui est juive. Et Vilna, à l'époque, s'appelait la Jérusalem du Nord. Alors, le grand juif de Vilna, c'est ce monsieur-là, Solomon ou Salomon Zalman. Alors son vrai nom, c'est Rabbi Eliyahu Ben Shlomo Zalman. Alors il est appelé le génie de Vilna. C'est un commentateur de la Torah. Et il est tout, pour les juifs très pratiquants, il est toujours utilisé. Il s'est fâché, on va voir que on dit les juifs... Mais, c'est pas bien. Ils ne peuvent pas se sentir entre eux, hein, globalement. Lui, il a fondé une branche du judaïsme qui est une branche assez austère. La religion, c'est sérieux. La Bible, c'est sérieux. Il faut étudier. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas chanter. Si vous voulez, dans Rabbi Jacob, où ils se mettent tous à chanter et à danser, c'est pas le truc de Solomon Zalman. Hein, pas du tout, du tout, du tout. Lui, c'est des... c'est très sévère. Alors, il y a plusieurs mosquées, et qu'est-ce que je dis, plusieurs mosquées ? Il y a plusieurs synagogues, et ces synagogues, celle-là, c'est la grande synagogue, la photo date de 1915. Elle va être, les nazis, quand ils vont arriver, vont la démolir, mais pas trop. Enfin, ils vont la démolir quand même, mais pas trop, et ça sera une ruine, et quand les soviétiques vont revenir, ils vont finir de la détruire parce que tout tombe en ruine. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette population juive, c'est des choses comme ça. Le gouvernement israélien actuellement finance des archéologues sur le site des quartiers anciennement juifs. Si d'aventure vous allez à Vilna, il y avait deux ghettos. Mais il ne faut pas prendre le mot ghetto au sens 1942-43 où ils sont enfermés et puis on en sort 50 tous les jours pour les fusiller. Non, le ghetto, c'est le quartier où les juifs habitent. Les catholiques n'y vont pas, les juifs y restent. C'est un quartier. Quand on a besoin de construire des égouts, c'est là où on va les construire en dernier. Hein, pour être clair, c'est pas propre. Mais ils ont trouvé ça. C'est une inscription de 1796 qui a été trouvée manifestement. Elle a reçu un coup de pioche. Soit ça date des nazis, soit des soviétiques, on ne sait pas. Et c'est deux rabbins qui font une plaque pour leur mère, leurs parents qui sont partis de Vilno. Alors Vilno, c'est le nom polonais de la ville de Vilna ou de Vilnius, qui pourra s'installer en Palestine, ce qui est un signe de l'ancienneté du mouvement sioniste. Alors on ne sait pas ce qui est devenu. Donc ça se trouve actuellement au musée juif de Vilno, de Vilna, de Vilnius, Vilné. En hébreu, c'est Vilné. Là encore, oui, c'est écrit en hébreu. Cette population, on va le voir, elle est très importante du point de vue politique dans l'entre-deux-guerres. Elle a un rôle très particulier. Donc ça fait ma quatrième couche, je crois. Maintenant, on arrive à la cinquième. Ah, attendez, oui. C'est les Russes. Alors, les Russes sont, comment dire, là, c'est la ville de Narva. Là, c'est la rivière, la Narva, qui va couler vers le golfe de Finlande. La ville de Narva, l'ancienne ville de Narva est ici, qui a toujours été russe. L'Empire russe est toujours arrêté par là, là c'était la frontière. Puis là, c'était de l'autre côté, c'est des fortifications qui gardent le pont. Et cette ville est une ville frontière, elle l'est toujours. Maintenant, ça c'est Russie, ça c'est Estonie. Bon, il y a deux ponts, il y a celui-ci qu'on voit bien là actuellement, qui est le pont routier, il y a un pont ferroviaire. Actuellement, il y a tout un trafic de piétons, parce que si vous habitez là, vous pouvez aller faire vos courses ici, les cigarettes, l'alcool, tout est moins cher. Un commerce transfrontalier, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, parce que ça ne va pas très fort. Et cette ville, enfin cette région, donc du côté estonien, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, parce qu'une chatte hyper réceptive, vont être ici Russie, de ce côté, ça va être les Suédois. Qui sont venus occuper l'Estonie. Alors la Suède, c'est pas un pays qui fait souvent parler de lui, mais à l'époque, oui. Voilà, j'avais coupé le son. Hein. La Suède est un pays riche, tout simplement parce qu'elle vendait du bois, pareil, du bois, du chanvre, du goudron, et elle avait un autre avantage, c'est qu'elle a des mines de fer, notamment... la cuirasse était en fer, c'était pas du fer qu'ils avaient, c'était de l'acier. Et donc il y a eu toute une série de conflits entre la Suède et la Russie qui s'est terminé par ce traité, qui est le traité de 1721, dans lequel, Pierre le Grand, le traité est écrit en allemand, entre Frédéric Ier, roi de Suède, et Pierre le Grand, dans lequel les possessions suédoises d'Estonie deviennent russes. Donc à partir de maintenant, je vais surtout parler dans ce qu'on a des Russes. Et puis, on continue, le siècle d'après, 18e siècle, la Pologne est un État qui va tomber en décadence, c'est gentil. Il y a trois pays qui vont se la partager. Chaque fois, ils vont en prendre une tranche. Donc 1772, 1793, 1795. Et la Russie, à chaque fois, elle va en prendre un morceau. Donc 1792, elle prend ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Russes. Après, elle prend ça. Il y a des Ukrainiens, ce qu'on appellerait des Biélorusses. Après, elle prend ça. Alors là, c'est des Lettons. Là, c'est des Lituaniens. Puis elle va là encore jusque c'est l'Ukraine actuellement, c'est la Ruthénie. Donc il reste pratiquement plus de territoire balte indépendant. Ensuite, il y a les guerres napoléoniennes et de nouveau des frontières qui se déplacent, ce qui fait que la Russie mange tout ce qui était encore polonais, et par exemple Grodno, Vilna, etc., devient maintenant russe. Donc on a une population polonaise, une population balte, contrôlée à beaucoup d'endroits par des barons baltes allemands. Dans les villes, il y a des juifs qui sont, enfin, ce sont des citadins. Vous avez aussi les élites aristocratiques qui sont polonaises. Et puis après, au dernier niveau, il va y avoir les propriétaires russes. Alors les propriétaires russes, ben, les voilà. On n'est pas très très loin de Saint-Pétersbourg. Et donc, ils installent leur résidence d'été dans ce coin-là. Alors là encore, maintenant, ça fait partie de, comment dire, de l'héritage universel là, de l'UNESCO. Alors, bon, ce n'est pas un grand aristocrate là, qui fait ça. Mais bon, il se fait son petit Versailles. Si vous regardez bien, ça ne coûte pas très cher, c'est tout de la brique. Enfin, vu de haut, ça c'est un autre. Là, on change d'échelle. Hein. Il s'est fait son Versailles. Voilà, là c'est en Lettonie. Là, vous voyez, c'est toujours pareil. Le nom letton, c'est Rundaele, mais le nom normal, c'est Schloss Rutenthal. Donc, savoir poser la question de maintenant, est-ce que c'est letton, allemand? Le type d'ici devait parler à la fois le russe, l'allemand, c'est sûr. Puis il devait connaître quand même des rudiments de letton pour parler à ses paysans, ou bien peut-être ce devait être le contremaître qui devait faire la balance. Voilà, alors c'est toujours le même château. Hein. Il est bien logé. Là encore, vous avez les poêles pour avoir chaud en faïence. Et la population, pour autant qu'on puisse la voir, là encore, c'est dans le même recueil de photos que j'ai vu tout à l'heure. La photo doit dater de 1905. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'aristocratie. Je pense qu'on a encore, on a dû faire sortir les gens pour la photo. Bon, c'est pas, on va dire, c'est pas riche, mais il faut pas non plus tomber dans le misérabilisme. Le toit a été refait. Là, en revanche, il y a beaucoup de choses à dire. Surtout que là, ça a l'air d'être la zone d'habitation. Puis là, ça a l'air d'être pour les chevaux. Enfin, bon, il y a deux femmes qui portent. Mais de ces gens-là, on n'en entend pratiquement pas parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ils n'ont pas laissé de témoignage à l'église. Alors, une fois devenus russes, les Russes vont installer un réseau de chemin de fer. Et ce qui m'intéresse, moi, puisque le sujet c'est les Pays-Baltes, c'est ce coin-là. Or, les Pays-Baltes vont être traversés par une des principales voies ferrées russes, qui va de la capitale, Saint-Pétersbourg, au centre de l'Europe, donc enfin Varsovie, c'est russe, puis après Berlin, Paris et tout ce qui s'ensuit, avec une branche vers Riga, qui est le port le moins gelé de Russie. Bon, là, ça ne nous intéresse pas trop. Et si on prend le trajet de la voie ferrée, là vous avez tous les horaires, Saint-Pétersbourg, Varsovie, là c'est la branche qui va vers Berlin, donc c'est Vilna, il retrouve un petit rôle, enfin Vilna à l'époque, ils écrivent Vilno avec un V, d'habitude on met un W, mais enfin bon, et puis la branche qui va vers Riga, Riga va devenir la troisième ville russe, c'est-à-dire la première c'est Moscou, la deuxième c'est Saint-Pétersbourg, et la troisième c'est Riga, tout simplement parce que Riga, c'est une porte d'ouverture vers le port, vers l'Allemagne, la Russie, la Grande-Bretagne, la France. On peut exporter tous les produits possibles parce que Saint-Pétersbourg, le port est quand même très gelé pendant très longtemps, c'est pas très valable. Et puis ici, je vous ai dit, c'est des plages. Il n'y a pas vraiment de port. Et cela va entraîner une modernisation énorme. Alors, je suis allé trop vite. Une modernisation énorme. Alors, encore, on est à Riga. Et si vous remarquez bien, c'est écrit en allemand. Donc, c'est image de, du Riga industriel, société d'électricité russe. C'est écrit en allemand, mais société d'électricité russe. Ça va être la principale entreprise de matériel électrique de toute la Russie. Bon. Avec des capitaux qui sont des capitaux allemands. Autre sorte, c'est une société, c'est une société française. Alors, société de fabrique russo-française. Enfin, il faisait du caoutchouc. Donc, c'est pas la principale, c'est la seule usine de pneus de toute la Russie et de toutes les choses en caoutchouc, c'est-à-dire les bottes, des choses comme ça. Et les propriétaires d'actions, ce sont essentiellement des Français. C'est une usine qui est très très rentable et qui compte beaucoup pour la Russie. On a même une photo, là je ne sais pas ce qu'ils font, ils font des couvre chaussures pour mettre partout les bottes, pour je ne sais pas. C'est des bottes qu'ils fabriquent. Et ça fait de cette ville, oui, une des villes les plus importantes, et la ville de Riga, qui était une ville à domination allemande, a complètement changé. Alors, on en a là un exemple. Alors, ça me fait toujours rire, parce que avant 14, quand une ville se développe, on dit toujours, ah, c'est le petit Paris. Alors, Smyrne, c'était le Paris ottoman. Riga, c'était le Paris russe. Bon. Alors, quand même, une ville, des bâtiments en pierre, vous ne voyez pas. Vous avez ici un tramway, des parcs, là, ça va être la statue de l'empereur. C'est une ville, je ne sais pas. Évidemment, la végétation à part, on pourrait dire que c'est la Canebière avant 1914. C'est une ville très développée. Et une ville qui va passer de l'autre côté du pont. Alors, je vous ai toujours dit, regardez les deux églises, on les voit toujours. Alors là, c'est le pont de chemin de fer qui vient d'être construit, avec une société très mélangée. Alors là, c'est le marché de Jelgava. Alors, en allemand, c'est Mittau. C'est un point où on parle pas mal l'allemand. On n'a pas ici une société urbaine assez riche. Alors, sur une photo, on ne peut pas dire qui parle le russe, qui parle l'allemand. Qui parle le laiton, on n'en sait rien. Mais vous voyez, c'est un jour de marché, manifestement, cette dame-là ne fait pas partie de la même catégorie. Hein. Là, maintenant, il y a un gendarme qui regarde quelqu'un qui fait un dessin, c'est peut-être le peintre qui s'est lui-même fait un bâtiment un petit peu comme la mairie d'Annecy, quand il y avait une mairie Annecy, avec des colonnes, un fronton. Donc, si on revient maintenant à la ville de Riga, on a, avant la guerre de 14, un secteur très, très développé. C'est-à-dire qu'on n'a plus, comme ce que j'ai pu vous dire avant, des pays baltes uniquement ruraux, avec des paysans pas très malins. Là, la vieille ville, c'est ce qui a été construit par les Allemands, les fameux ponts, puisqu'il faut parler de ponts. Et puis, c'est la gare, il y a les gares de marchandises. Là, ce sont les zones industrielles. On arrive à des villes très, très, très développées. Alors, les villes portuaires se développent, c'est-à-dire Tallinn se développe, Riga se développe. En revanche, Vilna, qui est au milieu des terres, reste avec ses églises, ses synagogues. Ça n'évolue pas trop. Voilà un exemple encore de sortie de messe. C'est toujours le même peintre. Bon, on a la population. Ce n'est pas la sortie de la messe, c'est la sortie du culte, c'est protestant. La population semble assez aisée, il y a beaucoup de casquettes. Bon, celle-là, non. On n'a pas l'impression de misère. Enfin. Avec quelques réussites, là, c'est à Vilna, c'est les nouvelles galeries de Vilna. Alors, c'est un juif qui possède ces nouvelles galeries, un magasin d'articles de Paris, des pendules, de la vaisselle, etc. Là encore, la modernisation de ce coin-là, alors là, jusqu'à présent, je vous ai parlé des coins qui étaient des côtes, où il y avait de la richesse. Si on se met beaucoup plus loin, comment dire, là c'est Suvalki. Alors on en parle beaucoup de Suvalki ces temps, c'est le petit bout de terre qui se trouve entre la Kaliningrad et puis la Biélorussie, ça fait 40 km, c'est une petite ville. Là encore, un développement net, un bâtiment en pierre, enfin en briques, le reste est en bois. Le train ne passe pas à Suvalki. Là, il y a un gros marché aux bestiaux pour réunir les bestiaux qui vont ensuite aller à pied jusqu'au train pour partir alimenter les grosses villes. Donc, il y a quand même un effort de prospérité. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que les historiens actuellement de la Lituanie ou de la Lettonie disent « Oui, quand on était russe, on était exploité, on était pauvre. » Enfin, bon, ils n'étaient pas riches, mais enfin... Si on prend les paysans du Massif central à l'époque, ce n'était pas non plus... Et ce que l'on va voir, c'est que les Russes, le fait d'intégrer cette région qui est ouverte sur l'Ouest, enfin sur l'Allemagne, la Grande-Bretagne, un petit peu la France, avec qui reçoit des capitaux, qui est traversée par une grande voie ferrée, le fait d'être russe donne des occasions de développement. Mais du point de vue politique, c'est quand même autre chose. Là, vous avez Tallinn. Ça, c'est l'église anciennement catholique devenue protestante. Et pour bien marquer que la ville est une ville qui est devenue, qui est devenue russe, on a construit à côté une église orthodoxe. Alors, comme celle-là était déjà au sommet de la colline, et eux, ils sont en bas, ils ont construit pour que le clocher dépasse à peu près au-dessus. Hein. Et ce qui fait que les Russes vont s'installer. Autre chose aussi, là, c'est la ville de Libau, alors c'est Liepaja. C'était avant l'arrivée des Russes, c'était un patelin, hein. Faut pas aller plus loin, mais c'était sur la côte, c'était encore moins gelé que Riga, et donc les Russes vont y créer une ville, à partir de ce patelin, vous voyez, la ville de Libau, et vont en faire un port de guerre. Et la population, évidemment, va être essentiellement une population russe. Et par exemple, dans le coin, il y a, en Lituanie et en Lettonie, il va y avoir une arrivée de population russe. C'est-à-dire que les Pays-Baltes vont se russifier, je ne dis pas de façon spontanée, mais il y a des gens qui vont venir travailler, il y a les fonctionnaires, il y a l'armée qui viennent là. Et donc la population change. Donc en plus des Russes, des Polonais, etc., etc. Et voilà un petit peu les fortifications du port de Libau, qui maintenant ne sert strictement à rien, c'est ce qu'il en reste. Vous voyez, c'est une côte de plage. Il a fallu creuser ici pour faire un canal, mettre l'arsenal, enfin tout ce qui s'ensuit. Alors si on essaye de voir, j'ai pris ça, c'est... la croissance de la population, j'ai entouré de rouge jusqu'à la guerre de 14. La population a beaucoup grandi. Bon, elle n'arrive pas à des chiffres extraordinaires. Enfin, ce sont des petits pays. Vous voyez mieux que moi, ça arrive à 2 millions d'habitants à peu près chaque fois. Ils étaient partis de 500 000. Donc, s'il y a autant d'habitants, c'est qu'ils peuvent gagner leur vie, qu'ils peuvent vivre. Donc, toujours gênant de parler de prospérité, mais enfin, c'est pas les régions les pires. Je veux dire, bon, il se trouve que moi j'ai écrit surtout sur l'Irlande et sur la Grèce. Je vous assure que dans les campagnes irlandaises, la population, elle n'a pas augmenté ce chiffre-là. La population en Irlande, elle a baissé de moitié. Bon, donc, on pense à ce qu'on en veut, mais donc il y a quand même un développement, et ce développement se voit dans l'architecture. Alors c'est, là encore, sur les guides touristiques, ça se voit, c'est de l'art nouveau qui est construit. Donc manifestement, les centres-villes se développent, on fait venir des architectes. Alors, ce sont surtout des architectes allemands ou russes qui construisent des devantures de magasins, qui existent toujours d'ailleurs. On a d'autres. Donc il faut faire attention, ils ont compris que pour faire venir les touristes, il fallait que ce soit joli. Donc, ils ont quand même repeint, pas non plus une autre. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire. Maintenant, ce sont des Russes, et les Russes, donc c'est un avantage, mais c'est aussi, pour les gens du coin, ça ne l'est pas, parce que on est à un moment où, disons, l'influence française de la Révolution, c'est-à-dire le droit des peuples à se gouverner lui-même, à s'affirmer, etc., va gagner. Notamment, ça a été connu chez les Polonais. Et les Polonais ne supportent pas la tutelle russe. Et par exemple, il y a eu plusieurs révoltes, la plus célèbre, c'est celle de 1860 et quelques. Et cette influence va se montrer par cette réforme. Là, c'est une carte, tous les endroits où il y a eu des mouvements de révolte contre les Russes. Alors, la carte ici, là, c'est la région de Minsk, donc c'est la Biélorussie. Ça, c'est la Lituanie. Et la Lituanie catholique, avec des dirigeants polonais, là aussi, c'est des dirigeants polonais, vont se révolter. Les Polonais vont l'emporter pendant 6 mois et ils se feront massacrer l'année d'après. Mais le souvenir va rester, hein. C'est-à-dire que il y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, il y avait encore des cérémonies pour en l'honneur des Polonais tués à Vilna à l'époque. Et ça va entraîner des réactions de la part des Russes. Alors là, c'est un ouvrage de Monsieur Samarin. Alors c'est pas le plus méchant de tous, celui-là. C'est quelqu'un qui a fait un ouvrage qui va être, on va dire, c'est un, qu'on pourrait dire maintenant, c'est un essai politique qui parle de ce qui est sur les bords de la Russie. Alors la Russie parle russe, il y a le centre russe, il n'y a pas de problème. Puis après, il y a sur les bords, il n'y a pas de Russes, il y en a qui sont autres, notamment du côté de la Baltique. C'est la première fois qu'on parle de la Baltique russe. Et lui, il dit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut supprimer, enfin, si c'est russe, il faut que ça soit russe. Alors, il ne faut pas que ça soit polonais, juif, ou n'importe quoi, ou allemand. Et donc, c'est sa théorie, c'est ton ouvrage, et ça va être appliqué par deux personnes. Alors, celui de gauche, c'est le gouverneur d'Estonie, celui de droite, c'est le gouverneur de Lituanie. Et on va parler de celui de droite, de Mourafiev, lui. Il s'y est pas pris. Enfin bon, lui, on lui a dit qu'il fallait que des Russes. Donc c'est simple, il va pendre tous ceux qui ne sont pas russes. Donc il va pendre beaucoup de prêtres catholiques, puisque les catholiques, ils sont catholiques, donc ils ne sont pas orthodoxes, donc ils ne sont pas russes. Il va exiger que la seule langue utilisée, ce soit le russe. Il va dire que la langue polonaise est interdite dans les lieux publics. Il va fermer l'université de Vilna, et puis il va exiger que la seule langue d'enseignement soit le russe. Alors il avait une phrase, alors les Lituaniens s'en souviennent encore, puis les Polonais aussi, ce que les fusils russes n'ont pas pu faire, les écoles russes vont le faire. Bon, donc voilà comme ça. Alors sa domination culturelle, ouais, ici c'est une gare. Bon, c'est une gare comme toutes les gares, là c'est où habite le chef de gare, là c'est vrai, mais devant. Il met une chapelle orthodoxe. Alors, si on est religieux, c'est pas. Là, c'est à Dvinsk. Remarquez, c'est encore écrit en allemand. Orthodoxe, dans ces pays-là, ça veut dire russe. Ça ne veut pas dire orthodoxe, ça veut dire russe. Puis encore mieux, dans Vilna, après sa mort, on lui a fait une place avec un monument. Je sais pas, je sais pas comment vous dire. C'est comme si à Lyon, on avait mis une statue à, comment il s'appelait, là, celui à qui on a fait un procès, à Barbie. C'est à peu près ça. Hein. Et les gens doivent passer. Mais j'ai regardé, je ne l'avais pas vu avant, c'est une carte postale. Place du comte Mourafiev, c'est celui qui a interdit le lituanien, qui a pendu les curés, etc. Je ne l'avais pas vu, pas remarqué. Là, il y a un gendarme, et là, il y en a un autre. Donc, manifestement, puis tout autour, il y a des grilles. Manifestement, c'était pas forcément bien vu par la population. Et autre monument un peu, donc il se considère un pays conquis, quoi. Hein, autre monument, Alors là, c'est à Kovno, alors c'est Kaunas. Bon, Kovno, c'est le nom polonais, maintenant en lituanien, c'est Kaunas. Bon, c'est la deuxième ville de Lituanie. On a construit ce monument, toujours orthodoxe, et qui commémore une victoire des Russes sur Napoléon. C'est-à-dire une victoire russe, quoi. Or, Napoléon, quand il a voulu aller envahir Moscou, il est passé par là. Donc là encore, tout est occasion pour célébrer la Russie. Autre monument encore, c'est celui-là. Alors celui-là a été détruit, hein. Ça se trouvait dans le grand cimetière de Vilna, de Vilnius, de Vilno, enfin comme vous voulez. Là encore, c'est orthodoxe. C'est un monument, pas en l'honneur, pas en mémoire des Lituaniens tués lors de la révolte, c'est en mémoire des soldats russes tués pendant la révolte. Donc, vous voyez, c'est l'inverse. Puis ça, c'est une des principales églises de Vilna, vous voyez ce qui en reste un tout petit peu. Alors après, si vous voulez, il ne faut pas s'étonner si les populations de ces coins-là, ben, n'aiment pas trop les Russes. Hein. Parce que, autre chose aussi, là, c'est un petit livre, là, c'est les deux mêmes. Hein. Il y en a un qui est 1864, l'autre c'est 1866. C'est-à-dire que la langue russe devient la seule langue d'édition. Les autres langues sont interdites. Donc le but, c'est l'unification, c'est la fin des particularismes locaux. Le système judiciaire, ça devient un système judiciaire russe. La nouvelle administration est une administration russe. Et ça va avoir un gros impact sur tous ceux qui ne parlent pas le russe. Parce qu'il y a un gros mélange, hein. Alors, les gens sont intelligents, ils peuvent parler sans problème leur langue maternelle, peut-être une, mais pas trois. Hein. Donc, s'il faut apprendre le lituanien pour parler à son voisin, l'allemand pour parler à celui à qui on paye les impôts, le russe pour le préfet de police, enfin bon, il arrive un moment où c'est plus possible. Et ça va se cristalliser, je vous dis bien, sur les questions de langue. Tout sauf le russe, où j'accepte l'autre, enfin ils sont quand même bilingues. Enfin, le russe, ce n'est pas leur langue. Et tout sauf les orthodoxes. Parce que c'est pas que c'est une querelle, c'est pas une querelle religieuse. Hein. Ils sont pas. Est-ce qu'il faut signer avec la main droite ou la main gauche? Ce n'est pas du tout religieux. C'est un problème, on va dire, j'hésite à employer le terme national, parce que les gens veulent être considérés pour ce qu'ils sont. Il n'y a pas, avant 1914, j'y reviendrai dans l'épisode prochain, il n'y a pas de gens qui veulent l'indépendance, qui veulent la Lituanie. Et ils veulent plus un système de domination qu'ils ne veulent pas. Donc, alors après, les historiens lituaniens ou lettons, j'ai regardé en 1890, il y en a déjà qui râlaient, c'est les premiers patriotes. On ne sait pas, enfin, il faut leur laisser leur choix. Voilà, ben, je crois que je dois vous libérer. Voilà. Allez, je vous remercie.